Today, I will explain the passage that we read this morning. This is from the discourse called The Four Foundations of Mindfulness. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le passage que nous avons lu ce matin. Ce passage est extrait du sermon appelé Les quatre établissements de l'attention. C'est le résumé de ce sermon, mais il est important que ceux qui pratiquent les quatre établissements de l'attention, autrement dit la méditation vipassana, comprennent correctement de quoi il s'agit. Comme je vous l'ai dit, cette méthode de l'attention a été découverte par le Bouddha. Il l'a pratiquée lui-même et a obtenu d'excellents résultats de cette pratique. Ensuite, pendant 45 ans, il a enseigné les quatre établissements de l'attention à diverses reprises. Après sa mort, tous ses enseignements ont été rassemblés dans ce que l'on appelle le canon Pali. Les instructions qui sont données au cours d'une retraite vipassana s'enracinent toujours dans le Mahasatipatthana Sutta, qui contient donc ce résumé. Please repeat it after me, okay, in Pali. Ekayano. Ekayano. Yam bhikkhave maggo. Yam bhikkhave maggo. Saddhanam visuddhiya. Saddhanam visuddhiya. Sokha paridevana. Sokha paridevana. Samadigamaya. Samadigamaya. Dukkha dominasana. Dukkha dominasana. Atingamaya. Atingamaya. Nyayasa. Nyayasa. Adigamaya. Adigamaya. Nibbanasa. Nibbanasa. Sajikaranataya. Sajikaranataya. Yadidam. Yadidam. Chadaro. Chadaro. Satipatthana. Satipatthana. Please repeat after me. This is the only way. This is the only way. Monks. For the purification of the beings. For the purification of the beings. For the overcoming of sorrow and lamentation. For the overcoming of sorrow and lamentation. For the disappearance of pain and grief. For the disappearance of pain and grief. For reaching the noble path. For reaching the noble path. For the realization of Nibbana. For the realization of Nibbana. Namely, the four foundations of mindfulness. Namely, the four foundations of mindfulness. Ceci est le seul chemin, moine, pour la purification des êtres, pour la victoire sur le chagrin et les lamentations, pour la disparition de la souffrance physique et de la souffrance mentale, pour l'atteinte du noble chemin, pour la réalisation de Nibbana, à savoir les quatre établissements de l'attention. Donc, le Bouddha commence par dire que ceci est le seul chemin, les quatre établissements de l'attention. Autrement dit, la pratique de l'attention est le seul chemin pour la purification des êtres. Le Bouddha a donc parlé de cette façon, ceci est le seul chemin. Le mot Pali pour seul est Ekayano. Voyons maintenant la signification du mot Pali Ekayano. Ce mot se compose de deux parties, Eka et Ayana. Ayana veut dire chemin, voie, route. Eka veut dire seul, unique, un. Donc Ekayano veut dire littéralement le seul chemin. Le seul chemin veut dire que c'est un chemin qui n'a pas d'embranchement, il est tout droit. Il n'y a qu'un seul chemin, et si vous cheminez sur ce chemin, il est certain que vous atteindrez votre destination. Il n'y a pas d'embranchement, il n'y a pas de chemin secondaire. Ce n'est que par l'attention que nous pourrons atteindre Nibbana. On peut comparer ceci à l'exercice physique. Si nous voulons développer nos muscles, nous devons faire de l'exercice physique. Personne ne contredira cela. Si vous voulez avoir des muscles bien développés, vous devez vous exercer physiquement. Sans exercice physique, vous ne pouvez pas espérer développer votre musculature. Mais ces exercices peuvent prendre différentes formes. Vous pouvez par exemple utiliser les poids. Vous pouvez utiliser toutes sortes d'engins pour y arriver. De la même façon, l'attention est le seul chemin pour l'atteinte de Nibbana. Mais l'attention peut prendre différentes formes. Même dans ce discours, dans ce sermon dont il est question ici, les quatre établissements de l'attention, l'attention est enseignée de 21 façons différentes. Il y a 21 façons différentes de pratiquer l'attention. C'est pourquoi je pense qu'il est correct de dire que c'est le seul chemin. L'attention est le seul chemin. Je vous ai déjà expliqué que l'attention doit toujours être présente. Nous devons toujours pratiquer la garde de l'attention. Dès que cette garde de l'attention disparaît, toutes sortes de choses peuvent pénétrer en nous. Mais tant que l'attention est présente, aussi porte sensorielle, nos esprits restent purs. Aucune impureté mentale ne peut pénétrer notre esprit, car l'attention est là et elle garde les portes sensorielles. Lorsque l'attention disparaît, lorsque nous perdons l'attention, toutes ces impuretés mentales vont se manifester dans l'esprit. L'attention est donc le seul chemin qui permet de maintenir l'esprit pur. S'il vous plaît, souvenez-vous qu'ici, l'attention est également un des 8 facteurs du noble octuple sentier décrit dans le Dhammapada. Et si le noble octuple sentier est le seul chemin, l'attention l'est également. Et je le répète, l'attention peut se pratiquer de différentes façons. Il y a l'attention au corps, l'attention aux sensations, l'attention à la conscience ou à l'esprit, l'attention aux différentes parties du corps, etc. L'attention est le seul chemin pour la purification des êtres. La purification des êtres. Lorsqu'on parle ici de la purification des êtres, il s'agit de la purification de l'esprit des êtres. Car le Bouddha est plus concerné par la purification de l'esprit que par la purification du corps physique. Même si cette purification du corps physique, cette propreté du corps physique est importante. Mais ce qui est encore plus important, c'est la propreté de l'esprit. Lorsqu'on parle de purification des êtres ici, cela veut dire la purification de l'esprit des êtres. Dans les commentaires, il est dit que la propreté personnelle, la propreté du corps, de même que la propreté de l'endroit où nous vivons, mène à la concentration et à la sagesse. Donc, nous devons veiller à maintenir notre corps dans un état de propreté, de même que l'endroit où nous méditons. Même si nous ne devons pas négliger la propreté du corps, nous devrions nous sentir plus concernés par la propreté de l'esprit. Donc ici, lorsque le Bouddha nous dit que l'attention est le seul chemin, c'est pour la purification de l'esprit des êtres. Dans ce passage, le Bouddha mentionne les bénéfices que nous sommes en droit d'espérer de l'attention. Le premier de ces bénéfices est donc la purification de l'esprit. Le Bouddha a parlé ensuite de la victoire sur le chagrin et les lamentations. Si nous voulons remporter la victoire sur le chagrin et les lamentations, nous devons pratiquer l'attention. L'attention est le seul chemin pour surmonter le chagrin et les lamentations. Ici, le chagrin, c'est un état mental. Les lamentations, c'est plus fort, c'est pleurer et crier à cause de ce chagrin. Pour surmonter ce chagrin et ces lamentations, nous devons donc pratiquer les quatre établissements pour l'attention. Pour la disparition de la souffrance physique et de la souffrance mentale. Ici, la souffrance physique, c'est le premier aspect. C'est la souffrance dans le corps. La souffrance mentale, c'est une souffrance qui apparaît dans l'esprit. C'est la dépression, la colère, la malveillance, la haine. Tout cela est inclus dans le mot souffrance mentale. Pour surmonter et voir disparaître la souffrance physique et la souffrance mentale, nous devons pratiquer les fondements pour l'attention. Comme je vous l'ai déjà dit, vous ne conquérirez probablement pas la souffrance, vous n'allez pas la faire disparaître, mais vous allez, grâce à cette pratique de l'attention, devenir progressivement capable de vivre avec cette souffrance et de l'accepter. Du temps du Bouddha, le vénérable Anuruddha souffrait d'une grave maladie. Elle occasionnait des douleurs physiques intenses. Il était cependant capable de tolérer très calmement ces sensations désagréables. Un groupe de moines lui demanda comment il était capable d'y arriver. Le vénérable Anuruddha expliqua qu'il pratiquait les quatre établissements de l'attention. Tout comme l'esprit du vénérable Anuruddha, à ce moment-là, qui était libre de la souffrance, vos esprits à vous réussiront tôt ou tard à ne pas être perturbés par la souffrance physique. Si l'esprit n'est pas perturbé par la souffrance physique, on peut dire que cette souffrance physique n'existe pas vraiment. Si vous voulez faire disparaître la souffrance, si vous voulez surmonter cette souffrance, vous devez pratiquer la méditation de l'attention. Si vous voulez surmonter l'avidité, si vous voulez surmonter la colère, la dépression, vous devez pratiquer les quatre fondements de l'attention. L'avidité est un état mental. Le chagrin également est un état mental. Ces états d'esprit sont connectés l'un à l'autre. Ils sont en interrelation. Ce sont donc tous des états d'esprit qui peuvent être surmontés par la pratique de l'attention. L'esprit ne peut jamais observer qu'une chose à la fois. Il n'est pas possible qu'il y ait deux consciences en même temps. L'esprit ne peut contenir qu'une seule conscience à la fois. Je pense que nous avons beaucoup de chance, car si l'esprit pouvait contenir deux choses ou plus à la fois, notre souffrance serait encore beaucoup plus grande. Comme l'esprit ne peut accepter qu'une seule chose à la fois, nous réussirons à surmonter le chagrin et les lamentations par la pratique de l'attention. Prenons un exemple, la colère. Imaginons que je sois fâché sur Monsieur A. Tant que mon esprit restera fixé sur Monsieur A, la colère va augmenter, elle va devenir de plus en plus forte. Tout simplement parce que je me concentre sur ce Monsieur A, il est l'objet de mon attention. Mais si je déplace mon attention de Monsieur A, qui est la source de la colère, à la colère elle-même, au moment précis où mon esprit change d'objet, passe à la colère elle-même, ce Monsieur A n'existe plus pour moi à ce moment-là. Il a disparu de mon esprit. Lorsque l'esprit est focalisé sur la colère elle-même et que la source de cette colère a disparu, il est facile de comprendre que la colère va disparaître également. De cette façon, nous traitons les états mentaux par l'attention, par la simple attention, mais elle doit être forte et puissante. C'est de cette façon que nous gérons ce que nous appelons les émotions, comme l'attachement, la colère, la haine, la dépression, le chagrin. Quel que soit l'état mental, nous le traitons avec l'attention. Nous essayons de le prendre comme objet d'attention. Lorsque notre attention sera devenue vraiment puissante, ces états mentaux ne peuvent que disparaître. Le Bouddha a donc dit : ceci est le seul chemin pour surmonter le chagrin et les lamentations, pour la disparition de la souffrance physique et de la souffrance mentale. C'est le seul chemin pour l'atteinte du noble chemin. Lorsque nous lisons les livres bouddhistes, il sera très souvent question du chemin. Parfois, on écrit ce mot avec un grand C, parfois avec un C minuscule. Le chemin est donc un terme technique qui désigne un groupe de 8 facteurs, les 8 facteurs de l'octuple sentier, la compréhension juste, la pensée juste, etc. Ces 8 facteurs vont se manifester au moment de l'illumination. Le type de conscience qui se manifeste au moment de l'illumination, qui est accompagné par ces 8 facteurs, est appelé la conscience du chemin, Maggacitta. Le mot illumination est un autre terme qui n'est pas facile à comprendre. Les gens l'utilisent à tort et à travers, mais seul un nombre très limité de personnes comprennent réellement de quoi il s'agit. Sans définition, ce mot va rester très vague. Il peut avoir une signification différente selon les personnes, selon la religion. L'illumination pour un bouddhiste peut être quelque chose de différent de l'illumination pour les chrétiens. Lorsque donc on parle d'illumination, il faut commencer par définir ce terme. Selon le bouddhisme, l'illumination veut dire éradication des impuretés mentales, vision directe de Nibbana, se trouver face à face avec Nibbana. Lorsque l'on pratique Vipassana et que l'on progresse à travers les différentes étapes de connaissance, qu'on atteint les stades les plus élevés de la pratique, il y aura un moment où un certain type de conscience va se manifester dans l'esprit, un type de conscience que le méditant n'a encore jamais expérimenté. Ce type de conscience particulière, avec ses concomitants mentaux, est si puissante qu'elle peut éradiquer complètement les impuretés mentales. Elle va faire en sorte que ces impuretés mentales ne se remanifestent plus. En même temps, ce type de conscience prend Nibbana comme objet. Par illumination, on veut donc dire ce qui se passe à ce moment précis lorsque cette conscience apparaît. Il y a tout d'abord l'apparition de cette conscience particulière, ensuite l'éradication des impuretés mentales, et enfin Nibbana qui est pris comme objet. Cette conscience est appelée la conscience du chemin. Immédiatement après cette conscience du chemin, il y aura 2 ou 3 moments de conscience qu'on appelle phalacitta, la conscience du fruit. Vous devez comprendre les théories de l'Abhidhamma pour réaliser de quoi il s'agit vraiment. Pour l'atteinte du noble chemin, veut donc simplement dire pour atteindre l'illumination. Lorsque vous avez réellement atteint le noble chemin, vous devenez un être illuminé et vous êtes capable d'éradiquer les impuretés mentales et de prendre Nibbana comme objet. Ceci est le seul chemin pour la réalisation de Nibbana. Ceci, c'est la même chose qu'atteindre le noble chemin. Lorsqu'une personne atteint donc le noble chemin, lorsque la conscience du chemin se manifeste en lui ou en elle, et que cette conscience prend Nibbana comme objet, autrement dit, lorsque cette personne réalise tout cela, on dit qu'elle a réalisé Nibbana. Réaliser le noble chemin, c'est donc la même chose que réaliser Nibbana. That is all for today. We will continue the talk later. May you all continue to practice mindfulness meditation and reach Nibbana. Sadhu.